maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau. Et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit 7 et Match. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, c'est tes matchs. C'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti pour une nouvelle soirée. Bonsoir, bienvenue. Ouh, comment vont les 7 et matchs? Ça va, très bien. En pleine forme. Super. Tout roule. Comment s'est déroulé ce street apéro? Parce que on l'a annoncé hier, c'était à 16h30 hein, le début. Ouais, bon, nous, on est arrivé en retard, normal. Normal. Non, ça quart d'heure, passé. Montpellier. Il y a des gens qui sont venus avec l'album, donc c'est cool. Il y a pas mal de gens qui sont passés, qui nous ont montré. Quoi, là, toi, tu es à l'eau. L'album. Ça, non, on n'a rien vu. On a... Ou alors, c'est une mixture peut-être particulière aussi. C'est de la codéine. Mais le street apéro continue ici. Je vois ça. Alors, attends, c'est une première dans le studio Planet Rap. D'habitude, c'est gobelet en plastique. Non. Ah ouais. Et là, je sens qu'il y a quand même une classe. On nous a autorisé le verre, en fait. Parce que... Magnifique, avec ces bouteilles qui sont totalement. Décoré. Customisé, tout à fait. Customisé au nom de l'album Cozy Bang Bang. Tout à fait. On n'a pas fait d'ailleurs notre petit cré habituel. Ouais. Je pense qu'on pourrait attaquer avec ça d'ailleurs, messieurs. En Planet Rap, vous êtes chaud ou quoi? Bah ouais, ouais. Ok. Alors ça fait cozy. Bang bang. Cozy. Bang bang. Cozy. Bang bang. Cozy. Bang bang. Faites-le aussi à la maison, dans la voiture. Je trouve que ça défoule, ça fait du bien en fait. Ça fait du bien. D'un seul coup, tu te sens mieux après avoir fait ça. Mais il faut tenir le volant dans la voiture. Oui, par contre, oui, tu as raison. Bang bang avec la bagnole en face. Donc faites gaffe quand même. Hein. En voiture, soyez prudent. Bon, tout va bien. Comment se passe cette acclimatation à Paris? Difficilement. Est-ce que vous vous languissez, comme on dit dans le sud de Montpellier? Toujours un peu. Bon, vous êtes habitué en même temps, vous êtes pratiquement jamais chez vous, les gars. Ouais, j'ai l'impression. C'est vrai qu'on bouge beaucoup, mais on est content de rentrer à la maison. Et Paris, c'est toujours excité, quoi. Alors, on a été pris par surprise. Ah ouais, même moi, j'étais pas prêt pour ça. Je pense que Planet Rap peut débuter. Ça y est, coup d'envoi. C'est parti. On attaque avec un morceau, messieurs? Ouais. Allez, c'est parti. Le morceau, merci beaucoup. Au calme. On se met bien. On débute avec un morceau extrait de l'album Cozy Bang Bang. C'est ça. Le fameux Kush. Le fameux Kush. Allez, c'est parti pour un bim. Voilà, Kush, Fred. Blablabla. Oh man, MTP. Yeah. Kush. Yeah. Depuis le 15 juin, my man. Yeah. Ça carré à fond, my man. Bien roulé et bien ferme, rien acheté de la tête au cul, il nous manque plus que l'étincelle. Je la regarde, lui fais les yeux d'où je l'aime, même si elle passe par toutes les chevaux, où voilà ce qui m'éclate. Je les aime grâce et relou. Je la connais depuis tout petit, la loi m'a donné les doubis poulets. M'obliger à la quitter, l'histoire est inarrêtable. Je reste avec elle à tout prix, je la suis partout, je vais la groupie calmer. C'est elle qui m'a bridé, personne résiste à ses charmes. J'avoue qu'elle est possessive, elle me rend moutre trop chétive. L'amour, elle s'en bat les couilles, elle veut du papier. Quelle salope quand elle hausse les prix, fallait bien qu'elle monétise. Top, j'ai pris assez de couilles, moi qui pense gagner. Je l'aime démaquiller, je l'aime nature. C'est pour mes gars sur au visage pâle. Qui la préfère bonne et mature, Lisa Anne. Depuis je l'ai quitté, mon négro maintenant je me tue au Jaga. Je la fréquentais au lycée, elle me finançait, mais quel prix achat. J'avais les yeux qui brillaient quand je la voyais, ça fait en Prada. Encore une qui pensait tranquillement s'installer dans ma vie de pacha. Elle est belle. Dans ma tête elle est la bord. Des pensées saines ou des pensées ternes. Je vois mes neurones qui s'évaporent. Elle danse dans le vent, comme la mifre gelée dans le sang. Elle fait des miracles, chaleur et mirage, elle m'aide à rester dans le temps. En collant résine, je l'ai croisée en médecine. Je lui souhaite autant de liberté que j'en souhaite à la Palestine. J'aimerais bien qu'elle me laisse tranquille, qu'elle se casse ou que je m'émancipe. Et quand elle chope la grosse tête, je la déracine. Dans le fond c'est la seule, je ne veux vraiment pas la quitter. La flamme pourra toujours se raviver et se réanimer. Son départ laisse toujours une odeur fraîche dans le cendrier. Si elle n'est plus là, c'est le drame, je me remets à teaser. Baby, baby, baby. À l'instant, extrait de l'album Cozy Bang Bang. Ça aussi, ça fait du bien aussi d'écouter ce morceau bien fort. Moi, je pense qu'on peut même relancer un Cozy Bang Bang parce qu'avec nous, il y a Killer qui vient d'arriver. Voilà, il y a l'équipe de En Passant Pécho qui vont venir nous raconter deux, trois de leurs nouveautés. Et nouveautés. De leurs anecdotes, exactement. Il y a Corsiam qui est toujours là. Il y a l'équipe du Perfect and Crew. Yeah. Alors, on va refaire un Cozy Bang Bang. Et ça fait cozy cozy bang bang plus fort, cozy cozy bang cozy cozy bang bang cozy cozy bang bang. Et on peut saluer aussi puisqu'il y a des t-shirts blancs cozy bang bang qui sont devant. Voir le t-shirt ma mec. Vous mettez les images sur skyrock.fm. Allez-y, eux a priori ils sont passés au street apéro, c'est ça, hein. C'est tout à fait. C'était les premiers même pour dire. Bon, ça s'est bien passé le street apéro? Très bien, en toute décontraction, très bien. Avec cet image d'ailleurs, tiens d'ailleurs, à ce propos, c'est une question que personne ne vous a posée. Sûrement, oui, je la sens. Mais pourquoi cet match? Pourquoi cet match? D'où vient ce nom, cet match? Vous vous débrouillez, les mecs, je réponds pas. C'est un délire, en fait, entre potes. Tu vois, on cherchait un blaze, on était ensemble, on a commencé à délirer sur ça. Quel faillot. C'est un côté un peu arrogant. Cet match, c'est quand le match il est fini, que t'as gagné. Il manque le jeu. On venait de commencer, tu vois. Donc cet match, c'est le côté, on arrive, on va tout niquer, on est là pour gagner, quoi. Très bien. Voilà. Et avant, il y avait un autre nom. Je suis fier de toi, frère. Est-ce qu'il y avait un autre nom? Est-ce qu'il y a eu quelques petits dossiers là-dessus, des petits blazes particuliers? Certains d'entre vous. Non, c'est plus les blases personnelles. Il y a eu des aventures avant d'en arriver. Par exemple, toi, Gidi, alors, c'était quoi avant? On t'appelait comment? Il m'a mis dans des histoires. Tu étais le premier à intervenir. Je me suis tourné vers toi. Oh, putain, j'ai sur le bout de la langue. Là, Je sens ou je sors pas, les gars? Je sors si vous validez. Bah, tu valides. Bah, j'ai qu'un blaze, de toute façon. Il y a eu des petits AK. Un petit AK? Un petit AK au calme. Mais vraiment, il est loin, celui-là. Il est... Ah, tu t'appelles AK? Je pensais qu'il y avait un autre. Non, c'est ça le problème. Bon, ça va. Ça va, j'ai entendu pire. Hein. Ah, t'es gentil, là, t'es gentil. Ah, ouais, tu veux lancer que ça? Factice, le malin? Factice, ouais, moi j'avais un blaze, c'était Etix. Ah, ouais, c'est vrai, j'avais appelé. C'est un blaze que j'avais piqué à un rappeur anglais. Normal, c'est cadeau. Et toi, Bunk, rien? Non, moi, non. Tu veux rester là-dessus? Non, là, non, y'a rien. Ça s'appelait Brigitte. Y'a rien qui dit ça. Seulement en soirée tard. C'est ça. On m'appelait Gabriel avant, mais c'était fini maintenant. Bon, il y aura du live avec vous. Alors, vous voulez nous présenter des gens qui sont là autour de la table, enfin, ou qui vont nous rejoindre autour de la table dans le studio? Alors, j'appelle. On commence par qui alors? On va commencer par l'équipe d'En Passant Pécho. Alors, En Passant Pécho, vous connaissez peut-être si vous allez beaucoup sur le net, si vous surveillez toute cette nouvelle écriture qu'il y a sur le net. Exactement, ils ont une web série. Mmh. On a collaboré. Le clip est sorti, je me souviens, c'était un premier de l'an. C'était pas l'an dernier, c'était l'année d'avant, c'était il y a un an et demi. Et on a été amené à collaborer, à faire le générique d'abord qui était très court pour la web série. Avec Mime. Qui est bien débile, hein. Ça a commencé bien débile leur délire. C'est une bande de mecs qui deal tout ce que l'on peut dealer à peu près. Et qui sont. Avec aiment bien flirter avec le deal, mais flirter aussi avec un peu. Un peu avec l'homosexualité aussi. Mais voilà, on a collaboré il y a maintenant un an et demi. C'est une manière, comme c'est notre premier Planète Rap, je pense que c'est important de revenir un petit peu sur ce qu'on a fait. Sur ce que vous avez fait, la façon les gens que vous avez croisés sur le parcours justement de cette qu'on a croisé et avec qui on continue de squatter un peu. Donc c'est vrai qu'ils ont fait partie de l'aventure, ils ont marqué un petit peu notre histoire jusqu'à présent. Donc je pense que c'est cool de leur donner la parole parce qu'ils ont de l'actu en ce moment. Voilà. C'est à vous les mecs. Merci beaucoup déjà. En passant pécho. Attends, m'amène. Non, on vient juste de finir le tournage de notre dernier épisode. Right. À Clichy. Qu'on remercie encore. Yes. Atel et Bilal, encore merci à vous. CSBM, mon sou. Et voilà, et on sort l'épisode le 3 juillet. Donc, c'est quoi le rythme d'ailleurs? Il y a un rythme particulier c'est ou pas? Quand on est chaud. C'est ça. Quand on est chaud, quand on a de l'argent, quand on est prêt. Il y a une soirée, c'est ça? Le 3 juillet, soirée à la Bellevilloise. Tout le monde est invité. Et dit sera Lost. avec Félix. Je savais pas ça, j'ai payé ou pas. Non. t'étais pas invité. Je serais pas là, cousin, en fait. Fallait pas l'inviter. Tu m'as pas dit finalement. Et donc là, la vidéo arrive là, c'est ça On fait l'avant-première le 3 juillet. Ça sort dans la suite. Mais non, si tu connais pas, tu peux déjà aller voir. Où est-ce qu'on peut cliquer alors? On passe en pécho sur la chaîne YouTube. On passe en pécho. Donc il y a une chaîne qui existe qui s'appelle On passe en pécho. Ouais, exactement. Et en plus de ça, pour rendre hommage aux Réals qui sont là, ils ont touché le prix du Festival de Luchon. Qui est excellent. Même le prix de la meilleure web série internationale. Je veux dire, on a baisé tout le monde. L'Oscar. International. Sur la vie de ma mère. Ah non, c'est marqué sur le prix, c'est pas moi, c'est. Faut que tu rajoutes un zéro la prochaine fois que tu nous appelles, d'accord. Et alors, je suppose que l'objectif, c'est aussi par la suite peut-être de basculer, faire un long métrage. On espère le long métrage. Bon, après. Getaway, on travaille avec Getaway, ouais, nos producteurs. Et on verra pour le long métrage par la suite. Place des noms, frère. On peut shout out Mime aussi, c'est une personne. Ouais, Mime qui nous a fait la connexion, qui a fait le son du générique. Cahin derrière nous, qui fait tous les dessins. Et voilà, après Jeanne, toute l'équipe, Jeanne, Beau Rétablissement, Bon Pied Cassé. Cockman à LA. Cockman, ouais, parce qu'on demande, il est où Cockman? Cockman, il est à Los Angeles. Il est trop loin, il est avec Michael Madsen en ce moment là. Voilà, là. C'est pour ceux qui suivent évidemment l'actu aussi. Mais allez voir, allez cliquer. C'est bien ça. En passant pécho, vous avez bien déliré, je pense. Et ça fait partie du triangle infernal avec l'équipe de Tiller. En passant pécho, c'était match. Il y a eu un truc qui s'est passé. Il y a une connexion. Il y a une connexion qui continue surtout. C'est ça qui est intéressant. Un triangle d'or. On va mettre un petit morceau de l'album Cozy Bang Bang. Yes. Allons-y. C'est quoi, Jeune? Jeune, allez. C'est bien ça, ouais. Non, c'est celui-ci, c'est ouais, ça, ouais. Hier, les Twitteros là, nous ont beaucoup nous de ont ce morceau, ouais. Allez-y avec le hashtag 7 et match, voilà, sur Skyrock si vous avez l'album, parce qu'il est sorti la semaine dernière, l'album. Donc dites-nous quels sont vos morceaux préférés. Le top 3 même, je suis bien le top 3, ouais. Allez-y, votre top 3 ce soir, balancez-le avec le hashtag 7 et match sur Skyrock. Exactement. Et le morceau Jeune, on l'écoute, tu vois. Gros shout-out à tous les potos d'enfance. Lionel, La Pomme, Jordi, le Carleur, tout ce que j'ai oublié, Johanna, la NNR, ma man, mon kibé, Lord Squall, ma man, ça part de là. Yeah. Yeah. On était jeunes et pas large d'épaule, toujours en bande pour supporter l'école. On voulait refaire le monde, merde, on faisait les fous pour que les adultes se prosternent. Respectueux mais peu soucieux des codes, on se croyait vraiment différent des autres. On voulait nos gueules sur des posters, faire du buzz, du billard, faire des concerts. Zéro patience, on voulait tout de suite. Devenir fort, battre des records, sortir indemne de toutes ces courses poursuites. On avait notre logo, notre totem. Une seule équipe unie dans les vices, dans les problèmes. On disait c'est maintenant. On détestait l'hiver, on voulait vite revoir le printemps. On ne voulait pas mûrir, mais on voulait de grandes ailes pour survoler les grandes villes et respirer le grand air. On voulait séduire la plus belle en faisant des trucs débiles. Fierté juvénile, on parlait fort pour être sûr d'être libre. Joint sur joint, on fumait trop, c'est sûr. On buvait trop, c'est sûr. On aimait le pastis parce que l'eau c'est pure. On voulait que le futur soit doré. Une chérie, une princesse adorée, yeah. Et on savait toujours comment s'en sortir, avec des idées de fil ou des techniques élaborées. On était jeunes et pas large d'épaule, toujours en bande pour supporter l'école. On voulait refaire le monde, merde. On faisait les fous pour que les adultes se prosternent. Respectueux mais peu soucieux des codes, on se croyait vraiment différent des autres. On voulait nos gueules sur des posters, faire du buzz, du beef, faire des concerts. J'étais jeune et naïf, l'énergie palpable. Bail de forêt, de cabane, les récré et les cartables. On passait nos vies dehors, nous et nos délires de gosses. Paradoxe, on était sans pitié dans le partage. Jeune et inconscient de ceux qui n'ont jamais douté. Dis-toi que j'ai tout fait, cap ou pas cap. J'avais du courage, voulais le prouver. Je courais jusqu'à m'essouffler, fallait pas qu'on nous attrape. Et qu'est-ce que j'ai couru derrière la balle devant la mama. Avec mon frère pris au dépourvu. J'aime tous nos bons moments et les coups durs. Elle face à deux enfants qui ne l'écoutent plus. Je n'ai pas large d'épaule, juste un gamin qui s'en bat la race des codes. J'en voulais pas large à l'époque et j'esquivais quand la mama donnait des ordres. On se pensait jeune et solide. Difficile à broyer. Je partais au quart de tour, hein. Je faisais le con, je les emmerde et je parlais pour rien. Et je m'en tapais que les profs me corrigent. Je respectais que les règles du foyer. C'est ma jeunesse, ouais c'est d'où je viens. On broyait fort mais on était de ceux qui écoutent rien. Toujours dans le coin mais perdu comme les clés de la part. Jeune pirate se préparait pour mener la barque. Toujours en équipe, jamais tout seul. C'est plus on est, plus on rit, plus on fout le bull. Les pieds sur terre, on avait la tête dans les nuages. On s'en foutait de ceux qui pouvaient nous attendre. Les gars sont cool, les filles, les coups de gueule. Suffisait qu'on ferme les yeux pour être dans nos bunkers. Je n'ai pas large d'épaule. Toujours en bande pour supporter l'école. On voulait refaire le monde merde. On faisait les fous pour que les adultes se prosternent. Respectueux mais peu soucieux des codes. On se croyait vraiment différent des autres. On voulait nos gueules sur des posters. Faire du buzz, du beef, faire des concerts. On était jeune et pas large d'épaule. Toujours en bande pour supporter l'école. On voulait refaire le monde merde. On faisait les fous pour que les adultes se prosternent. Respectueux mais peu soucieux des codes. On se croyait vraiment différent des autres. On voulait... Le morceau qui s'appelle Jeune à l'instant, c'est extrait de l'album de 7 et Match, Cozy Bang, Bang, Cozy Bang Bang. Avec nous, entre d'ailleurs Jeune, si vous l'êtes encore, hein, les gars, j'ai envie de dire. Ça commence en transition. Tu sais, mon petit gars. On est en, on est en transition. Super vieux, c'est quoi d'ailleurs les souvenirs? Tiens, vous étiez jusqu'où vous, dans les études? Comme on est en pleine période de révision en ce moment. Pour ceux qui nous écoutent, il y a eu des études dans, au sein du groupe. Ouais, c'est approximatif tout ça. moi, bac ES. Après j'ai fait 2 mois de fac, j'ai fait oulala. Ah. Voilà, et... Ok. Moi j'ai fait BTS MUC et je me suis acharné 3 ans mais c'était pas la peine. Le rap. Je me cassais en milieu d'examen pour rien. Moi j'ai eu un bac et après j'ai fait mesures physiques, puis il y a le film Scratch qui est sorti. Et là ça m'a niqué ma année, je te jure. Ah ouais. Je te jure. C'était quoi? C'était la révélation. Il a fallu que je choisisse entre mon premier examen de bio et le film. Et là l'avant. Je te jure, ça, j'ai niqué mon année. C'était quoi? C'est la révélation justement de voir ce côté musical, ce qui pouvait. Je sais pas, j'étais à fond dans le délire et puis pas trop à fond dans les études, donc j'ai fait ce choix à ce moment-là, il y a eu un moment charnière. Et après j'ai fait de la vidéo, tout ça, je me suis un peu plus concentré sur le mot l'artistique. Mais ouais. Sinon les études, ouais. Parce qu'il faut dire, ouais, vous êtes un groupe complet, c'est-à-dire qu'il y a évidemment le côté musical, mais il y a le côté aussi vision, le côté visuel, puisque exactement, la plupart des clips, la plupart d'images qui exactement, sortent, on les réalise nous-mêmes ou en collaboration c'est vous, hein. Proche. Mmh. Ouais, on se débrouille tout seul. En fait, on est vraiment en indé. Après, on a une contrat de licence qui fait qu'on a une distrib et puis on est accompagné sur la promo, le marketing, tout ça. Mais sinon, on est en indé, on fabrique tout nous-mêmes avec nos ressources et nos. Est-ce que c'est dur? Est-ce que le parcours vous a paru long, compliqué? Est-ce que ceux qui nous écoutent, qui aimeraient, parce que en plus, je trouve que là, c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu une explosion. Avant, il y avait un axe dans le rap qui était Paris-Marseille, hein, que tout le monde connaît. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a eu une explosion ces derniers temps. Bon, Paulie, il y a le joke aussi. Évidemment. J'ai un Bips d'ailleurs aussi. Bips, ouais, qu'on salue aussi. Bon, il y a Gradur dans le Nord, qui est aussi un autre genre, ouais. Mais il y a plein de choses. Oui, mademoiselle. Ouais. je trouve qu'il y a une vraie explosion, Niro qui vient de Blois. Enfin, il y a une explosion en tout cas de. Ben ouais, disons que si le parcours a été dur, mais le parcours il fait toujours que commencer. On a toujours envie de dire que c'est le début. Bon, c'est pas le début. Maintenant, ça fait quand même un petit moment qu'on est dans le qu'on s'acharne en fait. Mais ouais, c'est dur parce que c'est. C'est des sacrifices. Ouais. Il y a quelques sacrifices, mais il y a surtout beaucoup d'acharnement. Il faut être un peu teubé en fait. Hein. En vrai, il faut être un peu teubé, il faut être complètement fada pour se lancer là-dedans. Ouais. Mais bon, c'est cool. Bah après, avec un groupe, voilà, je pense que quand il y en a un qui a un petit coup de mou, on se soutient, les autres beaucoup, sont là. On lui met des droites. C'est ça, en fait, le truc. Ouais, celui qui se réveille pas, mais il se réveille pas, il prend des coups de latte et d'ailleurs, et alors, il paye son train. Je sais pas pourquoi tu regardes dans cette direction. Non, je sais pas, je regarde, mais c'est. Il y a une part d'hasard et une part de sincérité. C'était dirigé vers quelqu'un, c'est vrai, il y en a un qui a plus de mal à se réveiller que les autres. Bon, on a chacun nos petits trucs, quoi. C'est vrai que je fais partie de ceux qui. Ah, c'est bien, regarde-moi, il reconnaît. Ouais, je reconnais. Ce genre de Renoir qui se lève jamais avant midi, c'est JD. Je l'avoue. C'est à moitié pardonné, comme on dit. C'est vrai, la faute avouée. Faute à moitié pardonnée. Pardonnée. Ouais, c'est ça, ouais. On va revenir dans un instant, on mettra quel morceau? de Cozy Bang Bang. On a dit c'est pas ma faute. Vous avez vu les messages aussi qui arrivent sur les morceaux? J'ai vu plein de messages arriver en disant. D'ailleurs, je tiens à dire que Narca, on sait où t'es, on sait comment tu t'appelles, on sait où ta grand-mère habite. Elle s'appelle Janine et on va l'attraper. Petit message au calme. C'est normal, c'est des photos. Il s'acharne aussi, en plus. L'épicerie des Beaux-Arts. Yes, ouais. Nabil, Shadab. Mais le morceau Tout s'achète revient assez régulièrement dans le top. D'ailleurs, il sera dans le jour de tout à l'heure en live. Mais en tout cas, ça fait plaisir parce qu'on voit que les tops dans les top 3, à chaque fois, c'est des morceaux différents. Donc ça veut dire qu'il y en a un petit peu pour tout le monde. Donc c'est Tout cool. s'achète, on met non, on met pas Tout s'achète, mais on le jouera en live tout à l'heure. Ouais. Non, là, on met C'est pas ma faute. Ça c'est pas de, ma faute. Pour vous, les filles. De mecs qui sont fidèles. Qui est parti à droite, et il a vu notre go et il est revenu à gauche. Donc voilà. Voilà, c'est pas une histoire qui vous arrive, en tout cas. C'est non, pas, non, non, c'est non, pas, non. C'est pas, aucunement du vécu. C'est pas du non, vécu. Non. Je suppose que c'est des potes qui vous ont raconté. Voilà, c'est ça. Ben moi, c'est mon pote qui envoie des messages. Voilà, c'est Narca qui a fait ça. Exactement. Qui a fait ça à sa meuf. Et ben pour Narca dans un instant. Pour Narca, ouais. S'il a pas encore l'album, mais ça m'étonnerait. Il est là. Il vous pourra se plonger dans ce morceau qu'on écoutera, C'est pas ma faute, dans un instant, juste après la pub. Et on vous attend au freestyle. Il y a pour vous des Samsung Galaxy Tab et toutes nouvelles tablettes à choper à l'occasion de la sortie du film Poltergeist. Ben. Hey. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit 7 et match pendant une heure complète ce soir. Planet Rap, 7 et match. C'était match sur Skyrock toujours entre là. 20 et 21 avec l'album Cozy Bang Bang qui est sorti il y a une semaine et qu'on peut aussi télécharger légalement, hein, mais c'est vrai que vous avez une préférence légalement pour l'objet. Vous avez une préférence bien pour sûr. L'objet, puisque l'objet est dans les bacs. Bah les deux, toi-même tu sais, le jeu il est dans les deux sens. Puis on sait que les grosses villes ont été arrosées de disques. Donc dans les grosses villes, allez choper le CD, les autres sur iTunes, foncez, soutenez-nous, on a besoin de vous. Suivez-nous sur Instagram, sur Facebook, continuez à tweeter, d'ailleurs il y a des gens à qui il va falloir qu'on parle là. Ouais. Ah, Mago il envoie, il est à l'intérieur, il envoie, Perfect End, le ne vous inquiétez pas. C'était match sur Skyrock pour balancer tous vos messages dans un instant, il y a exactement. Un live. Et on est promis un morceau, donc un morceau qui a été romancé, hein, j'ai envie de dire. C'est un peu ça. Un poil. Un poil. Chouïa. C'est pas ma faute. Allez, c'est parti. Chouïa Bezef. Coup d'envoi. Chouïa Bezef. C'est pas ma faute, bon tu me crois pas mais au moins écoute-moi. Je suis amoureux de toi mais pas des autres. Allez écoute-moi, la seule c'est toi. J'jurerai jamais, j'filerai à l'anglais. J'avoue des soirs, j'mets notre histoire entre parenthèses. Vous les femmes ça vous déçoit, tous ces petits écarts. Je reçois plein de messages, c'est les potos. Ouais l'album se prépare, promis. C'était la dernière fois que je dérape, la dernière fois avant que je me rétracte, promis. Maintenant j'écouterai tous tes commentaires, j'ai compris. Je serai fidèle jusqu'à ce qu'on t'enterre. Je ne voulais vraiment pas t'offenser. Oublie tout ça, laisse-nous une chance pour tout recommencer. C'est pas ma faute, je voulais pas vraiment le faire. Je vois pas pourquoi tu m'accuses, tu me connais. Dans ma tête c'est l'enfer. Please reviens dans ma vie, please reviens dans ma sphère. Et j'arrêterai, promis, de draguer toutes les meufs de la terre. C'est pas de ma faute si je t'ai trompé. Elle était beaucoup trop bonne, les seins refaits. De toute façon, en vrai, tu prends toujours tout mal. Avec toi, je finis toujours coupable. Je l'ai vu que une ou deux fois, t'inquiète vraiment pas plus. Elle a fini dans mon pieu, sérieux, franchement, elle abuse. C'est toi que j'aime, toutes les autres, c'est rien. Enfin, quand je dis toutes les autres, je dis ça, j'en sais rien. Bon, y'en a peut-être une ou deux de plus, mais je m'amuse pas à compter. Je me rappelle juste de ta sœur, de la voisine d'à côté. Je ne voulais vraiment pas t'offenser. Oublie tout ça, laisse-nous une chance pour tout recommencer. C'est pas ma faute, je voulais pas vraiment le faire. Je vois pas pourquoi tu m'accuses, tu me connais. Dans ma tête c'est l'enfer. Please reviens dans ma vie, please reviens dans ma sphère. Et j'arrêterai, promis, de draguer toutes les meufs de la terre. C'est pas ma faute, à chaque fois ça m'écœure. Si je vois d'autres meufs, c'est pour être sûr que c'est toi la meilleure. Trop de filles me parlent sur le net, ouais, c'est la farandole. Je réponds à 1/10, 2/20, c'est franchement pas grand chose. Tu sais, je suis dans un crew de célibes qui rêve de bouffer de weed tous les jours. C'est dur, je suis désolé, je te jure, écoute, j'évite de flirter, de pousser le vice. Mais tous ces boules des îles me font chavirer. J'y arriverai, un nouveau jour se dessine. C'est décidé, j'arrêterai à l'automne. Franchement, juste une glissade dans l'été, c'est rien, y'a pas mort d'homme. Attends, je ne voulais vraiment pas t'offenser. Oublie tout ça, laisse-nous une chance pour tout recommencer. Tu m'accuses, tu me connais, dans ma tête c'est l'enfer. Please reviens dans ma vie, please reviens dans ma sphère. Et j'arrêterai, promis, de draguer toutes les meufs de la terre. C'est pas ma faute, je voulais pas vraiment le faire. Je vois pas pourquoi tu m'accuses, tu me connais, dans ma tête c'est l'enfer. Please reviens dans ma vie, please reviens dans ma sphère. Et j'arrêterai, promis, de draguer toutes les meufs de la terre. C'est pas ma faute, je voulais pas vraiment le faire. Je vois pas pourquoi tu m'accuses, tu me connais, dans ma tête c'est l'enfer. Please reviens dans ma vie, please reviens dans ma sphère. Et j'arrêterai, promis, de draguer toutes les meufs de la terre. C'est pas ma faute à l'instant, c'est extrait de l'album Cozy Bang Bang. Toujours. Yes. Avec 7 et Match, nos invités toute la semaine entre 20 et 21. L'album est dans les bacs. Ouais. Et la tournée aussi de 7 et Match à pas louper. Hein. Déjà exactement. Ce week-end, vous êtes loin d'ici. Au Démon d'Or, aux alentours de Lyon. Ouais. Samedi, ouais. Et dimanche, Move Live Show aussi. Alors, on revient à Paris le dimanche pour un Move Live Show aussi. Exactement. Après, il y a les Eurocaennes début juillet. Ouais, le 3 juillet, Eurocaennes. Exactement. Et une grosse date très très importante, le 3 octobre à la Cigale, ici exactement. Même à Paris. Ah. Les places sont disponibles. Partout. Mais vous avez oublié quelques dates, puisqu'on parlait, on vous a sauté du 3 juillet au 3 octobre. Ouais, on n'a pas le temps là. 25 juillet, vous serez où? Positif Festival, non, n'importe quoi. Non, non Grand Souk. Grand Souk. À Ribérac. À Ribérac. Et le 21 positif. Et 22 août, ouais, au Positif voilà. Festival. Voilà, c'est 22 août à Marseille, au Positif Festival. Yes. Et puis d'autres dates, je suppose, qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Exactement, une tournée pour répondre aux gens sur Twitter. Oui, on passera dans vos villes. On prévoit une tournée à l'automne. On va l'annoncer très prochainement sur notre site internet. On commence le Cozy Bang Bang Tour, va commencer le 3 octobre à la Cigale. Et puis le Cozy Bang Bang Tour, ce sera dans un instant en live avec vous, juste bye. Après le freestyle par téléphone de Robs bye. De Paris. Salut Robs. Bye, salut Fred, salut, c'était Match. On est là, tranquillement. Et eh ben écoute, tu es salué par l'ensemble du studio. Salut ma mère. Salut Rob. Salut les gars. Tu es prêt à lâcher un freestyle par téléphone cette semaine? Tu vous repartez avec des tablettes Samsung Galaxy Tab. Il y en a une pour toi, mais il va falloir quand même tout donner, hein, Robs. Allez, on va faire ça, t'inquiète. C'est à l'occasion de la sortie du film Poltergeist qui sort demain. Film d'horreur, évidemment, d'épouvante. C'est moi où il a l'accent du sud, Rob. Pas loupé, Robs. Ouais, il était de Bordeaux à l'origine, toi, Robs, non? Ouais, moi j'ai de la Réunion à l'origine. À la Réunion, on parle pas comme les Antilles. Hein. Oh, c'est le 974. Là où j'ai tenté. Ça va être un battle en fait, ça va pas être un freestyle. C'est bon, je connais quand même. Allez, Rob, c'est parti, on t'écoute. Yeah, ok. 974, la Réunion, t'inquiète. Mais gros, rappeur, artiste, poète. Ok, yeah. J'ai pas de balle dans mon chargeur, mais des langues, je l'étale. Sur une feuille, dans un casier, mon histoire, je déballe. Poussé par système, du haut de la colline, je dévale. Chaque thème, chaque étape, chaque image, j'encadre. Des millions de textes et des millions de phrases. Kiff mes rimes en passe-passe, mec en kilo, en gramme. J'écris mes textes sur iPad depuis que mon stylo, c'est vaisseau. Votre carré plus sky, pose en freestyle à l'apéro. Attends, c'est MSRO pour ceux qui connaissent. Mais gros, sur les bancs de l'EUT, à crier Montel, narco, c'est pour les mecs au décradé avec deux traits sur le côté. Faut que les beaux câbles et deux traits qui veulent tout faire capoter. Trop de confusion alimentée par le mensonge. Mon gars cherche un monde juste comme quand vous cherchez Fiona. Tout s'achète, même les otages dans le centre commercial au Kenya. C'est naufrage, je passe qu'on se capte comme le capitaine du Costa. Je mate mon Facebook, je vois les meufs qui jouent les buts, alimentent les disputes. Je parle pour arrêter la flûte, je fais le mec, hein. Car j'en suis un teubé. Ce qui nous sépare de toi et moi, c'est ma maturité. Je suis schizo dopé comme ses romains se partagent mon corps. Chacun prend l'autre, un, comme un mentor. R.O.M.S, rappeur, artiste, poète, négro. Parce que tout ce que t'entends sort de ma tête, t'inquiète, yeah. Yeah, yeah. Je m'amène, très bien. Il est bon. Il est validé. Merci, merci. Tu veux rappeler quelques endroits où on peut te trouver sur le net? Où est-ce qu'on peut t'écouter? Alors, sur YouTube, vous tapez ROMS apostrophe, voilà, sans oublier l'apostrophe 974. Il y a le clip Check Moi, le clip La Réunion, le clip Dans l'ombre. Il y a les freestyles aussi. Après, sur le SoundCloud, ROMS Team Roms, voilà, on retrouve. Ah oui, c'est Roms, pas Robs, pardon, excuse-moi, Roms. Ouais, on en a un ici aussi. Voilà. Il est content, Roms. Ouais, il est bien, hein. Ouais. Voilà, tranquille. Eh ben, merci à toi, en tout cas, Roms, et bon courage pour la suite. Il représente La Réunion 974, on 974. Est là. 974, c'est bon. Zamalia, tout le monde, on salue. Ciao, frérot. Ciao, ciao, mon pote. Est-ce que vous êtes prêts maintenant, mes amis de cet match? On a pas salué votre DJ aussi, qui est le quatrième membre de l'équipe. Tout à fait. M'amène plus que lourd de dingue, Akeda. Faites du bruit pour lui, s'il vous plaît, c'est M'amène Akeda. Eh ben, on envoie ça alors. Eh ben, allez-y, c'est parti. Session live maintenant dans l'émission. C'était match. Balancez vos messages, vos réactions avec le hashtag C'était match sur Skyrock. On va commencer avec un petit truc sympa. Y a des fumeurs de joints dans la salle. Je vous entends chanter. Skyrock. Je vous entends chanter. So high. I want to get high. Tu veux être quoi? So high. Hey. I want to get high. Skyrock. So high. Yeah. I want to get high. So high, yeah, I want to get high. So high, yeah. Tu veux de la, t'as plus de, hey, mais je vais te, ouais, vas-y, passe pécho. Tu veux de la, t'as plus de, hey, mais je vais te, quoi, ouais, vas-y, passe pécho. Tu veux de la bandwidth, salope, j'ai un gros catalogue. Passe à la zombie, yo, viens claquer tes allocs. Viens tâter mes baloches, ça y est, je décalote. Tu veux du persil, du basilic, de l'échalote. Hey yo, fille de pute. J'ai tout de la weed à la coke. Soit tu payes, soit tu suis, j'fais même pas diva à la chrome. Ouais, mais non, c'est ma bite que toutes les divas à cause. Ouais, passe pécho. Yo, vas-y, passe pécho. Grosse pute, excuse-moi. Je paierai un autre verre. T'auras ton gramme offert. J'ai plein de coques et plein de stocks. Des choix différents. Hey yo, de quoi remettre sur pied François Mitterrand. Tu veux de la, hey, t'as plus de, j'entends rien. Mais j'vais te, quoi? Ouais, vas-y, passe pécho. Tu veux de la, T'as plus de, mais j'vais te, ouais, vas-y, passe pécho. Violon, j'ai mes billets, violer le bis, la manigance. Tu veux une bif, non? Ben vas-y, danse. J'préfère ma bande blanche que des amirances. J'ai mis le bif, bif, ma coke fille au fils d'alliance. J'suis 40 à l'achat, des grammes au moins dans le sachet. Si t'es pas content, c'est le crachat. J'ai plein le Z là et de la putain de bête de schnouf. Et si t'y payes pas, on te fera goûter le skate de ouf. Tu veux de la coke, vas-y, c'est su. J'suis clean, j'ai plus de prépuce. Au pire, les MST sont remboursés par la sécu. En fait, tu n'es pas têtu, j'vais déguster ta laitue. Je sais que tu taffes le soir tard, tout près de la réduction. Tu veux de la, t'as plus de, hey, mais j'vais te, quoi? Ouais, vas-y, passe pécho. Tu veux de la, j'entends rien, t'as plus de, vraiment rien, mais j'vais te, quoi? Ouais, vas-y, passe pécho. Vas-y, pay. Et si t'as que 10 balles en poche, ok, mais tu suces la bite à mon pote. Là où tu la connais, mais je ne. Si tu viens sans moi, des bitches, on va faire un coulot. Et j'fais du bis dans ma piolette, ta chatte n'arrête pas de miauler. J'fais la câliner, saliver comme un passionné. J'vais la relooker, lui faire une petite coupe bariolée. Trop foncé, je vois tes règles en ultraviolet. J'tape mes gros délires, j'en ai un long psycho dans la codéine. J'bouffe des chats, j'suis sportif, il faut de la protéine. J'nique ta mère et ton père et les négros stés. J'suis un ouf, et mon gros gay. T'as plus de, yeah, mais j'vais te, quoi? Ouais, vas-y, passe pécho. Tu veux de la, j'entends rien. T'as plus de, Skyrock, mais j'vais te, ouais, vas-y, passe pécho. Skyrock, je veux vous voir danser comme ça. Skyrock, je veux vous voir danser comme ça. Skyrock, je veux vous voir danser comme ça. Skyrock, je veux vous voir danser comme ça. Skyrock, je veux vous voir danser comme ça. Skyrock, je veux vous voir danser comme ça. Cozy Big Bang, je veux vous voir danser comme ça. Skyrock, je veux vous voir danser comme ça. Hey yo, ma mère, MTP, je veux un gros bordel sur Skyrock, s'il vous plaît. MTP, MTP. Attends, m'amène à Kéda. Coupe ça, m'amène. Hey yo, MTP, nous on vient de Montpellier. Montpellier, c'est MTP. Est-ce qu'il y a des gens sur Twitter qui viennent de MTP? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui viennent de MTP? Ouais, mon pote, il y a le Perfect and Crew. Ils viennent de Montpellier, ils font de la grosse grime. Ils seront là demain pour le freestyle avec plein d'autres invités. Vas-y, m'amène à Kéda, vois ça. MTP, bappe-nous là. MTP, bappe-nous là. MTP, bappe-nous là. MTP, bappe-nous là. MTP, bappe-nous là. MTP, bappe-nous là. Quand on rentre dans le club, ah, non, non, jamais. Que des plans de soirée tech. Viens donc, viens qu'on t'amène. Toi qui voulais voyager, on va t'amener à Bonbon. C'est pas le royaume des fées, ça va être sale, pas besoin d'une bonbonne. La street MTP, on est des schlags, ça marche à 12. Yo, bitch, fais tourner ta soirée car on est à la cool. Cette équipe traîne avec des Jacques et des Mamadou. Mets une pote mélange, parfum rhum, citron, canadou. Passe à la source, l'épicerie pour des filons. Ça titube, ça poil fort, ça clash. Et t'es le suivant. Ça part de la chatte à ta mère. Oh. Ça y est, j'suis dedans. Oh. Ce négro veut ma dernière cigarette. Et lui, non. Que des sales fous. Viens par là, mais faut le courage, rien que ça part. Tous de la majeure à la couverture, la ville à oh. Mec, ici, y'a trop de sous là. MTP, j'ai le swing. Oui. MTP, baffle-nous. MTP, baffle-nous. MTP, Skyrock. MTP, Skyrock. MTP, Skyrock. MTP, baffle-nous là. Baffle-nous là. Je ramène des chips, oh. Achète un pack de bière. On joue toujours à Chifoubi et j'en ai marre de perdre. Puis ramène-en beaucoup car jusqu'à très tard je traîne. Tu ne peux pas faire partie du crew si tu n'as pas de cerne. Je suis pété même si je te connais pas, si si vraiment je t'adore. Alors laisse-nous gratter ta teuf ou je pisse devant ta porte. Après minuit on devient fou, l'alcool nous empoisonne. On fait plusieurs fois le tour de la ville, on passera dans ta zone. Tu dis c'est tes matchs ont l'air cool, bon qu'à l'air sage. Je suis cool que si t'es bonne, refais passer le message. Si mon voisin se plaint du son, eh bien qu'il déménage. Fuck la lecture, je préfère boire et déchirer les pages. J'allais sur les marches de l'église, en tisant fume, ouais c'est ça. MTP, insipide et look de la bière quand j'en bois trop foncé. J'aime ces pires genre de soirée, j'aime ces pires. J'aime ces poivres, j'aime ces biches. MTP, non je n'y suis pas né, je te jure, mais j'aime cette ville. MTP, MTP, je vous entends pas. MTP, bappelou là. MTP, MTP, bappelou là. Bappelou là. MTP, bappelou là. Allo, allo, baby, dès que j'arrive, je t'épouse. Au fait, je t'ai dit que je venais seul, mais on est 12. On débarque à n'importe quelle heure. On repartira complètement sec avec n'importe quelle meuf. Un verre de Sky ou de rhum dans ma tête, en vrai, je suis allé-y. Même si j'ai pas un euro, je finis plus mort que ceux qui investissent. J'ai pas de revenus, ni de housse qui tombe d'ailleurs. Pas besoin de feu pour ma clope, vu que The Roof is on fire. Je vous entends pas, Skyrock, faites du bruit. Est-ce qu'on va pas s'arrêter là, les gars? Est-ce que vous êtes chaud qu'on continue ou quoi? Ma main! Pas besoin de feu pour ma club, vu que The Roof is on fire. On fout le bordel dans ton anus, bitch. On repart ton caniche, on fout le bordel dans ton anus, bitch. On repart ton anus, oh. On voit juste un SMS. Qu'on arrive à l'heure dans la soirée, oh. J'ai pas besoin de GPS. Je connais ma ville, bonne enfoirée, oh. Et cette fois je me gourre, pas de porte. Quand je suis trop bourré, j'ai le flow de Snoop, motherfucker. Motherfucker. MTP dans les pages, t'es mal calage, putain de malade que l'on tapera dans ta bague, oh. Je veux vous entendre la famille, ça fait MTP, bappelou là. MTP, bappelouda. MTP, bappelouda. MTP, bappelouda. MTP, bappelouda. MTP, bappelouda. MTP, bappelouda. MTP, bappelouda. MTP, bappelouda. MTP, cozy pink bay ma gueule. MTP, MTP, MTP, bappelouda. Bappelouda. MTP, bappelouda. MTP, bappelouda. M'amène à Kéda. Hey yo. Yeah. C'est 7 et match. Laisse-moi compter tes billets. Yeah. Tout s'achète grâce à la monnaie, monnaie, monnaie. Le pouvoir, la morale et tes couilles avec. Tout s'achète grâce à la monnaie, monnaie, monnaie. Monnaie, monnaie, monnaie. Money, money, money. Billet, billet, billet. laisse-moi compter tes billets. Money, money, money. Laisse-moi compter tes billets. Tout sachez, grâce à la money, money, money. Le pouvoir, la morale et tes couilles avec. Tout sachez, grâce à la money, money, money. Billets, billets, billets. Money, money, money, money. Je veux que ma go soit une caissière et son grand-père l'abbé Pierre. Je veux le beurre, l'argent du beurre et surtout le tarma de la crémière. Tout sachez, même la retraite. J'aurai du bif demain peut-être. Et quand t'as peur qu'il vieillisse bête, tu payes pour que ta meuf soit refaite. Billets, billets, billets, on veut des billets, billets, billets. On pourrait vous les tricher, tuer juste pour quelques billets, billets. L'argent pourrit trop de monde, le coffre fort est trop sombre. On achète nos styles de vie, on achète même nos tombes. Les meufs se vendent à de braves types, les mecs leur achètent leur plastique. Ils achètent leur vote pour que leurs élections soient plus pratiques. On achète des âmes pour les tester. Billets, billets, billets, billets, billets, plus de respect. Cosy bang bang my man. Money, money, money. Billets, billets, billets. Yeah. Laisse-moi compter tes billets. Billets, billets, billets, billets. Money, money, money. Billets, billets, billets. Laisse-moi compter tes billets. Tout sachez, grâce à la money, money, money. Le pouvoir, la morale et tes couilles avec. Tout s'achète grâce à la money, money, money. Billets, billets, billets. Money, money, money. La vie c'est une chienne, je l'ai croisée dans un bar à pute. Plus aucune règle, je me fais sucer par madame la juge. Je peux acheter ton silence, tout comme t'achètes l'album. Je peux t'acheter mort ou vivant, salope ou vierge comme la madone. Avec de la money, money, ce gros cabriolet je l'aurai. Voilà ce que disent les gens qui vivent que pour les billets violets. Tout s'achète, et y'a tout à faire. T'aimes pas mes idées, j'ai qu'à viser pour que ton jeu ne touche à terre. Je pourrais mettre Paris en bouteille, acheter l'album du Wu-Tang, sniffer de la blanche toute la semaine et me la faire en slalom le week-end. Négro, négro, négro, tout s'achète. L'achat à ta grand-mère et tes couilles avec Skywalk. Cosy bang bang match. Dans les bacs, le 3 octobre à la Cigale. Vous êtes chaud ou quoi? Ça fait comment, ma man? Practice? Yeah. Tout s'achète grâce à la monnaie, monnaie, monnaie. Le pouvoir, la morale et tes couilles avec. Tout s'achète grâce à la monnaie, monnaie, monnaie. Monnaie, monnaie, monnaie. Monnaie, monnaie, monnaie. Laisse-moi compter tes billets. Billets, billets, billets, billets. Aïe, cosy bang bang, my man. Money, money, money. Billets, billets, billets. Casse des dames, my man, face pour la prod. Laisse-moi compter tes billets. Oui. Bon, continue ou quoi, les gars? Ben, bien sûr. Man, un petit freestyle, un dernier. Inédit, my man. Je veux voir les t-shirts. Allez. Je veux voir le dos t-shirts, des t-shirts. Les t-shirts, yeah. Cosy bang bang, Cosy bang bang dans les bacs poteaux. Cosy bang bang dans le dos. Cosy bang bang dans les bacs poteaux. Cosy bang bang dans le dos. Cosy bang bang dans les bacs poteaux. Cosy bang bang dans le dos. Cosy bang bang dans les bacs poteaux. Cosy bang bang dans le dos. Trentenaire exigeant, je suis un pinailleur, tirailleur. Si t'as un flot de merde, immole toi même s'il y a pire ailleurs. Cosy bang bang, tu l'achèteras, fuck les pirateurs. Chien sauvage, tête de pute, tête de ferrailleur. Oh, tu veux de la sabre, t'as sorti l'oseille. T'as un gros cul, ouais, prends du L, t'es pas un petit modèle. T'as kiffé le logo, normal, notre graphiste a un prix Nobel. Le label ne le sait pas, si je fais du black, faut pas me le dire au tel. Je suis armé de folie, rempli de colis. Mon bibi en indé, fuck you, dis la belle. 3-4 000, c'est le prix de la scène. J't'ai acheté quelques chrysanthèmes, j'te prépare une cérémonie, cric cric et une belle mise en scène. On m'a dit amen, tu as commencé ta armée du flow, tu en auras quand même. J'aime les geishas, j'aime les ramen. Bitch, ma main. Cosy bang bang dans le bac poteau. Cosy bang bang dans le dos. Cosy bang bang dans les bac poteau. Cosy bang bang dans le dos. Cosy bang bang dans les bac poteau. Cosy bang bang dans le dos. Ils sont bons. Cosy bang bang dans les bac poteau. Cosy bang bang dans le dos. Pour mes Roms, ma famille, ceux qui m'encourage, qui connaissent la famille. Folie dans l'ADN, si tu m'examines, l'ami m'amène à chaque bonne parole. Une fleur, ça, ça vaut, surtout quand la télé tarie, hein. Faire de la musique, c'est comme partir au front, mais sans calache. Accompagné ou sans escouade, on s'en fout en cravache. Pour porter le cri, y'a pas d'âge, soit t'as le panache, soit tu t'abattas. Mais dis-moi qui veut tester, personne t'abattra. Tu veux du talent, tiens, mais j'ai les couilles aussi. Soit je réalise mon rêve de gamin, soit je suis en pleine utopie. Quand même, je suis grave en chien, du coup, j'oscille. Je vais faire des classes et puis bang, ça y est, je suis causé. Avant, je doutais rien, maintenant, je commence à douter de tout. Mon rap, mon rêve, petit animal, pour moi, tout est flou. Avant, je foutais rien, maintenant, je veux toucher tout. Allez, je reste sur mon chemin, donc on veut pousser tout. Je suis là, encore dans mes débuts, et je compte pas m'arrêter. Si là, après, si là, vous êtes équipe, je vous apprends la baisse. C'est ce que la base était. Flow, syntex, sans et ça va te caresser. T'es pas rappeur, juste parce que t'as le froid que rabaisse. Non, faut l'abaisser. Les mains crispées, le corps qui transpire, à quoi je parais très. Ma mère, fais du bruit, j'aime ça ma mère. Yeah, ça part de là-bas. Je vous entends sur le dernier putain refrain Skyrock. On ensemble, amen. Yeah, yeah, yeah, yeah. Cozy bang bang dans les bacs poteaux. Cozy bang bang dans le dos. Allez, cozy bang bang dans les bacs poteaux. Cozy bang bang dans le dos. Cozy bang bang dans les bacs poteaux. Cozy bang bang dans le dos. Allez, cozy bang bang dans les bacs poteaux. Cozy bang bang dans le dos. Tu veux des punchlines, fils de pute. Je vais t'en donner étant donné que je dois faire des 10 de plus. Yeah. Quoi de neuf mon négro? On fait des dineros, on fait de la monnaie bro. Aujourd'hui je livre des CD, avant je livrais à manger. Et je livre toujours chaud dans les temps, en vrai y'a rien qu'à changer. Toujours à deux doigts de me planter, je fin d'avoir des plans B. Boire, baiser des meufs, je suis bon qu'à m'escanter la santé. Ha, j'ai rodave le game négro. Je tiens la ligne mais j'ai 0 gramme dans le zen négro. J'ai envie de péter, me laisser aller, j'ai la coupe pleine. Je veux me la péter, rouler en Audi TT tout chain. Et je me repose que quand le disque est scellé. Si mes négros sortent en équipe, sort ta foutue liste et mêlée. On est fêlé, je tape depuis avant, c'est fait le rien qu'on met les bouchées doubles. Je vous ai prouvé qu'on kick sur scène comme on s'est fait. J'ai le flow du prince de Bel Air. Je contrôle pas tout ce qui sort de mes lèvres. Négro, jeune intermittent mais célèbre. Je comprends pas pourquoi tu t'énerves. Fais du bruit Skyrock. Cozy bang bang m'amène depuis le 15 juin. Soutenez-nous, allez chanter la merde. Je vous entends m'amène. Yeah. Cozy bang bang dans les bacs poteaux. Cozy bang bang dans le dos. Cozy bang bang dans les bacs poteaux. Cozy bang bang dans le dos. Allez. Cozy bang bang dans les bacs poteaux. Cozy bang bang dans le dos. Mon égo. Cozy bang bang dans les bacs poteaux. Cozy bang bang dans le dos. Yeah. MTP. À l'instant en live. Cozy bang bang dans les bacs poteaux, cozy bang bang dans le dos. Exactement. Voilà pour conclure ce Planète Rap avec cet match. Merci à vous en tout cas. Hein. Merci, merci à l'équipe qui était là aussi, bien coordonnée et tout. En passant Pécho, Tiller, Perfect and Crew qu'on attendra demain. M'amène à Keda. Oui, parce que demain, il paraît qu'il y a une grosse soirée freestyle demain. Ouais, demain, il y a un freestyle. Demain, gros freestyle. Ouais. Avec plein d'invités, il y aura 2H, Kenyon, Josman, Tortoise, Giorgio. Hassan, Giorgio. Le Perfect and Crew. Donc il y aura du beau monde demain, soyez connectés parce que ça demain, va être très entre, très chaud. Un petit peu avant 20h, soyez là entre 20 et 21 sur Skyrock pour le Planète Rap avec 7 et match. Deux, trois petits messages, deux, trois petites dédicaces à passer. Avant de faire tourner la roulette et de retrouver Diffoul, vas-y. Je lâche un gros big up à Zohar, le Z. Je lâche un gros big up à Moustache. Je lâche un gros big up à Madaron aussi. Ouais, c'est bien. On big up la famille, allez la Daron aussi. Je big up le frangin Lord Quarl, tout la LNR, je big up la pomme de terre, le Carleur. Ah, la pomme de terre. S'il écoute ça. Et voilà, tranquille. Moi j'attendrai demain, je me réserve pour demain. Ah oui, tu n'as pas d'amis, tu dédicaces jamais. J'ai quelques amis. Si allez, je dédicace toi, je dédicace Stephen, je dédicace mon gars sur Koussaï. Mon gars sur Koussaï, je dédicace la bonne école, je dédicace Rimka chez Nike qu'on a oublié de citer, qui seront là demain. Et je dédicace tout MTP parce qu'MTP c'est chaud, MTP c'est en force. MTP dans ta radio. Il y a Jeff aussi, il y a Jeff qui est là-bas, qui est calé. Shout out. J'en place une pour un garçon qui est là qui s'appelle Ousmane. Qui est ici. Ousmane, il fait partie de ce qu'on appelle dans la presse les migrants. Vous avez tous entendu parler de ça. Ouais. Donc, qui ont été délogés aussi à la chapelle. Lui, il est plus. T'es à Austerlitz, Ousmane ? Non, t'étais à la chapelle aussi. À la chapelle. Donc, voilà, Ousmane, je voulais lui passer une grosse dédicace s'il est là. Et rappeler qu'évidemment, on a beaucoup parlé de cette affaire quand on les a expulsés du côté de la chapelle, mais qu'il y a aussi un camp qui existe du côté d'Austerlitz à Paris et qu'ils ont besoin, on se rend pas compte, mais de plein de choses et notamment des chaussures et des chaussettes. C'est le truc tout con, tu dis bon, la bouffe, tout ça, oui, mais ça, ils ont quand même un petit peu, il y a des associations, heureusement, qui sont là. Mais chaussures, chaussettes, si vous avez, allez juste les déposer, vous allez voir, il y a des temps, des temps de décompte. On peut faire un truc même plus gros. Ah bah, si vous voulez faire, les gars. Ouais, tant qu'à faire, je sais pas, avec tous nos parisiens, si on a, ils ont des chaussures, des chaussettes à donner, on peut se donner un. On en parle demain, on se donne un. Eh ben, on peut mettre ça en place. Ok, allez. Elvire, ça te va, on met ça en place. Voilà. Ça peut être très chaud, non? Eh bah, ce serait génial. Ah, si on peut faire ça demain. Non, mais c'est vrai que c'est le truc tout con, tu dis pas, voilà, mais c'est un truc tout con. Mais si vous avez des vieilles chaussures, des chaussettes. Propre hein, quand même. Ouais, évidemment. Ouais, ouais. On avait quand même un petit peu les chaussettes avant, ce serait sympa. Et voilà, bah, on filera tout, ouais, on filera, bah, bonne idée. Demain, on essaie de mettre un truc en place et on en parle. Ouais. Allez, ça roule, ça vous va, ouais, ouais, grand plaisir, bien sûr. Et bah, terrible. Merci à vous, c'était Match. On va retrouver Difool dans un instant. Big up. Et on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre tes 4 entrées pour le parc Astérix. Lilia, Damien, salut Lilia. Salut Fred, comment ça va? Ça va, je te présente 7 et Match, ils sont là avec nous toute la semaine entre 20 et 21. Voilà, ouais, famille, enchanté, hey, salut. Ça va, tranquille ou quoi? Ça va, tranquille, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Eh bah, prête à faire tourner la roulette, Lilia? Ouais, je suis prête, ouais. C'est parti. Ok. Bientôt l'heure de manger, Lilia? Bientôt, ouais. Bientôt, dans ça approche. Dans une heure à peu près. Dans une heure. Yes. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, t'as dit stop là, non? Pas encore. Ah, pas encore, j'avais cru. Elle a tout donné. On a la dalle. Et bah la dalle, écoute, très bien, je comprends, même temps Lilia. Et tu repars avec les 4 places pour le parc Astérix, c'est pour toi et la famille. C'est pour toi. On t'envoie ça rapidement. 4 places. On te fait un bisou, Lilia. Passe une bonne soirée. On peut passer une dédicace. Vas-y, c'est qui? Je me suis inscrite pour les 1500 euros. Je m'appelle Sheridan, appelez-moi demain matin. Et bah attends, ne bouge pas. On va demander à Difool tout de suite. Il est là d'ailleurs, Difool. Bonjour Fredo. Ça va, regarde, tu peux demander à Difool tout de suite. Comment oui. Tu sais comment ton prénom? Difool, s'il te plaît, j'ai besoin d'argent. Appelle-moi pour les 1500 euros, s'il te plaît. C'est bien noté. Vous savez qu'on me pose la question, moi, 10 fois par jour. Mais t'as pas de chance, Romano, il est pas là. Ah, le truc, je t'ai mis dans la galère tout de suite. Je t'ai foutu dedans tout de suite. Merci Fred. De rien. Bon, ben j'espère qu'on t'appellera bientôt pour les 1500 euros. C'était comment le prénom? C'est ta frangine, Lilia? C'était qui? Ouais, c'est ma frangine, ouais, c'est ma sœur. Elle s'appelle comment? Sheridan, et bah écoute, Sheridan. Peut-être demain, du côté d'Amiens, un coup de fil pour 1500 euros. On sait jamais. Inch'Allah, y'a pas de soucis, on peut faire un petit dédicace vite fait. Allez-y, les filles. Alors, à la famille Hamdan, sur Amiens, à toute ma famille, mes parents que j'aime, mon petit frère Faouzi, la famille, et le voilà. Sheridan, la baisse, bah ouais, c'est la plus belle. La baisse. Je sais pas si j'ai bien attends, fait sur les dédicaces. Oh, ça fait toujours et plaisir, Fred. Bon appétit à tous les musulmans qui font le ramadan, et voilà. Bon app à tout le monde. Bon app. On te fait un bisou, Lilia et la frangine. Bisous, les filles. Ciao. Bisous, les filles. Merci, c'était Match. Petit dernier message à passer. Big up. Je croyais Eddie veut passer un message. Ouais, moi, juste au passage, bon, déjà, ça a fait le coup à tous ceux qui font le ramadan. Mais ouais, moi, KSD, le 19, m'a ravu. Alphonse Cavard, les Gavas, CB, Hervé, on est énervé. 18ème, ABS, Rivera jusqu'au Square Léon, tout ça. On est ensemble, amis. Bang! Merci bang, à vous. Bang, merci, c'était Match. Demain, le retour un petit peu avant 20h avec un gros freestyle. C'est Difool évidemment. Et oui Fredo. Avec toute l'équipe. On est là, c'est parti. Et c'est parti en direct jusqu'à minuit. Radio libre sur Skyrock. Merci Fred. De rien. Ce bon début de soirée. Pour la galère des 1500. Oui. Et dans un instant sur Skyrock, attention, eh bien la radio libre démarre. Avec vous tous et vous toutes de toute la France. Et on va démarrer avec. Tu as reconnu Fredo? Bien sûr que j'ai reconnu. C'est Wiz Khalifa. Wiz Khalifa, see you again. Ouais, see you again avec Charlie Pute. Charlie Pute, voilà. Tu le connais ce Charlie Pute, Fred? Bah écoute, très bien. Très bien. Mais il vient d'où? Des États-Unis, d'Amérique. Ouais, des États-Unis. Il n'y a pas de France parce qu'il ne savait pas ce que veut dire pute en France. Non, je pense pas, non. Mais peut-être que vous allez le recevoir un de ces quatre. Peut-être. Wiz Khalifa, il est déjà venu, lui, en tout cas, dans Planète. Ah, bah, il est venu, ouais, oui, il est venu. Avec son nuage. Ouais. Ah, bah, on aime bien d'ailleurs. Quoi. On aime bien Wiz Khalifa. Il vous plaît, Wiz Khalifa. Je ne sais pas si vous l'avez déjà croisé, les gars. Ouais, plairait, je pense qu'on s'entendrait bien, ouais. Il est très cool, ouais. C'est possible que vous entendez bien avec, oui, ça c'est sûr. Ouais. Mais à demain. Pas beaucoup, mais... Il arrive dans un instant, Wiz Khalifa. En tout cas, Wiz Khalifa, il carbure. Donc, on va y aller dans un instant avec vous tous en direct au 01 53 40 30 20. Toute l'équipe est là. Demain soir, 20h, on loupe pas le rendez-vous avec 7 et Match. C'est dans Planète Rap. Et là, c'est parti. Ouais. Juste après la pub, en direct sur Skyrock, Radio Libre et Wiz Khalifa. See you again. Ciao, Fredo. Ciao. Il les appelle dans toute la France.